Ça fait gros de même. Bonsoir. Cette conférence ayant pour titre la naissance d'une nouvelle race. Je me dirais le dire. Ah, ben oui, c'est. D'une nouvelle race. Les gens ont beaucoup de problèmes avec les nouvelles races. Est-ce que c'est parce qu'il faut en faire mourir une pour en faire naître une autre ou c'est parce qu'on n'a pas. Non, ça, c'est les raisons que. Ça peut être une des raisons que les gens peuvent trouver. C'est parce que la majorité des personnes. Premièrement, certaines personnes dans leur vie antérieure ou dans cette vie-ci se sont souvent attachées à des espoirs particuliers et ont été déçues. Donc, on ne veut pas s'accrocher à quelque chose d'autre, une nouvelle race. Et puis, autre chose aussi, c'est que la majorité des personnes se sentent suffisamment médiocres pour appartenir à la race du poisson, mais pas suffisamment puissantes pour appartenir à la nouvelle race. Donc, la majorité des personnes ne se considèrent pas comme étant capables de passer d'une race à l'autre ou ne se considèrent pas comme faisant partie d'une race. Et ensuite, on a certains égaux qui, au lieu de travailler ou au lieu simplement d'accepter l'idée qu'ils sont en transition, en mutation, vont perdre leur temps et leur énergie plutôt à observer l'extérieur pour pouvoir continuer à se confirmer qu'il n'y a pas de nouvelle race, regarde-le. En attendant que les autres deviennent différents alors que c'est... C'est ça. La personne, elle se dit, ben voyons, on a une nouvelle race. Tu vois ce qui se passe en Afghanistan? Une nouvelle race à la planète Terre. Tu vois ce qui se passe sur Jupiter? C'est un peu comme ça. Les gens ne peuvent pas comprendre que une nouvelle race, ça apparaît à l'intérieur de l'humain. C'est une question d'attitude, une question de conscientisation, donc au-delà de l'évolution. Et les individus sont souvent en train de se comparer eux-mêmes ou encore, moi, fais partie d'une nouvelle race, voyons donc à l'âge que j'ai. Ça n'a rien à voir. Et puis, faire partie d'une nouvelle race, je ne suis même pas capable de courir comme un athlète olympique. Parce qu'il y a encore des personnes qui conservent l'idée que la nouvelle race sera nécessairement une race similaire à la race aryenne d'Adolf Hitler. Donc, des grands blonds aux yeux bleus, qui sont en réalité une qualité des vestiges des races atlantéennes. Et les personnes souvent pensent qu'une nouvelle race, c'est nécessairement une race qui, dans la vision sociale, est plus belle, plus parfaite, meilleure. Alors qu'une nouvelle race, ça n'a rien à voir là. On dit que la nouvelle race, on parlait ésotériquement, on parle de la race bleue. Ceux qui manquent d'oxygène deviennent bleus. Et la race qui va suivre, c'est la race violette. Quand tu manques encore plus d'oxygène, tu deviens violet. Juste avant de mourir. C'est ça. Effectivement. D'accord. Les corps physiques ne pourront pas supporter la race violette. La race, comme la race aryenne, c'était, on la voyait beaucoup au niveau physique. On la caractérisait des grands blonds, qu'il avait donné. Oui. Lui, ce qu'il disait premièrement, c'est qu'il fallait que ça ait un corps grec, un corps d'athlète. Les cheveux blonds, bon, les cheveux soleil, mais ça simplement parce que c'était l'apanage d'une des races fortes de l'Atlante et l'apanage de la race aryenne, donc la première sous-race de la race blanche, la race indo-européenne, et qui a été conduite par Rama d'ailleurs. On en parle encore aujourd'hui avec les Krishna qui parlent de Rama et de Krishna. Et lui parlait d'un corps athlétique, et nécessairement, il devait y avoir dans le corps athlétique un cerveau capable de logistique, un cerveau capable de légiférer. Donc, une personne qui serait intellectuellement suffisamment avancée, des plus ou moins génies. Alors, lui, il a été le premier à parler de la géniocratie, c'est-à-dire de placer les génies au pouvoir. Il a été ramené, à un moment donné, à travers les livres de Claude Vorillon, que certains connaissent comme Raël. Bon, celui qui parle d'irréalité... plus souvent qu'autrement. Alors, on a parlé encore une fois du système de génie. Le phénomène, c'est que la race nouvelle, évidemment, ça c'est un problème. Le premier problème au niveau des égaux des humanités, c'est que l'humain espère évidemment qu'il y a des choses qui vont s'améliorer et il projette toujours les problèmes et les qualités d'une sous-race dans l'autre sous-race ou d'une race dans l'autre race. Autrement dit, la personne, ce qu'elle se dit, elle se dit toujours, bon, bien, s'il y a une nouvelle race qui arrive, moi, je suis blanc, ben nécessairement, la race sera blanche, cutanée. Bon, et la race, elle portera peut-être des verres de contact. La race, elle sera, il y aura plus d'hommes que de femmes, ils n'auront pas trop de cheveux. Pas économiser. Quoi faire? Et puis, bon, des choses comme ça, la personne, elle projette. Alors, nécessairement, une race neuve devra être une race qui sera physiquement forte, à l'époque où on va surtout reconnaître les individus qui seront athlétiques. La race neuve sera nécessairement à la hauteur de l'élitisme social. Alors, si en Allemagne, à l'époque d'Adolf Hitler, il y avait énormément, on cultivait énormément l'intellectualisme, les arts et nécessairement les sciences de guerre, entre autres, et les sciences ésotériques, ben, il fallait que dans la race nouvelle, on ait ces choses-là. Nécessairement, la race nouvelle doit être capable d'entrer en communication avec des esprits, ou doit faire des voyages astraux, ou elle doit être capable d'éduquer ses enfants d'une façon absolument parfaite. Oui, mais si les enfants sont des êtres absolument abominables, on a beau être une race nouvelle, on ne pourra pas les éduquer d'une façon parfaite. L'humain projette. Mais qu'est-ce qui définit que la race à venir ou la prochaine nouvelle race... C'est qu'elle n'a jamais existé dans le passé. Oui, je sais qu'elle n'a jamais existé, mais qu'est-ce qui définit comment elle va être, quels vont être ses critères? Comme par exemple, là, je ne pense pas que ce soit le cas du... On n'analysera pas le corps physique pour décider si on est oui ou non dans une nouvelle race cette fois-ci. Ah oui? Absolument. Génétiquement, mais pas à l'extérieur. Mais à l'extérieur, non, on va analyser, on n'analysera pas. Mais la nouvelle race, les corps physiques de la nouvelle race ont des systèmes endocriniens différents et des systèmes neuroniques différents. Donc, ça n'a rien à voir avec la couleur de tes yeux. Ça a par contre à voir avec le pétillement de tes yeux. Mais ça, c'est pas nouveau, ça. Hein? L'œil, c'est supposé être le miroir de l'âme. Donc, ça dépend de ce qui se passe à l'intérieur du bonhomme. Donc, on peut voir si ça fait partie de la nouvelle race ou pas. Mais ça n'a rien à voir avec la face, avec la physiologie. Ça a à voir avec le système endocrinien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'individu doit être capable, biologiquement, de supporter des stress énormes. Parce que tout ce qui est neuf stresse le passé. Le corps physique est un corps de mémoire, donc ça va le stresser. Et il doit avoir un système neuronique particulier. On a tous suffisamment de neurones, on a tous suffisamment de cellules gliales, on a tous suffisamment de contacts synaptiques pour parvenir à une conscience. Sauf que la majorité des cerveaux ne s'en servent pas. Donc l'humain qui fait partie de la nouvelle race aura nécessairement un cerveau qui va être beaucoup plus fonctionnel, qui va être multifonctionnel comparativement à maintenant. Mais n'importe quelle personne qui se travaille le moindrement les neurones d'une façon particulière, en conscientisation, en posant des questions, en cherchant des réponses neuves, pas en cherchant des réponses, l'informatique va aider énormément d'ailleurs, ou les structures qu'on a aujourd'hui. Ça va aider à former le cerveau, c'est-à-dire ça va aider à éduquer le cerveau. La prochaine race, ça serait donc une race d'état. C'est-à-dire on va être dans cet état-là, de cette race-là, et non pas on va ressembler à quelqu'un qui est dans cette race. Exactement. D'ailleurs, le paradis, ça a toujours été un état d'âme. La race nouvelle, c'est aussi un état qu'on va chercher. C'est évident que ça va se répercuter à la longue sur le corps physique. Mais ce n'est pas une question de corps physique. Par exemple, je ne peux pas dire, la famille est détremblée, là, vous ne faites pas partie de la nouvelle race. On élimine une génétique directement. La famille des rois, vous faites partie de la nouvelle race. La famille, on va dire, c'est des Villeneuve. Hein, vous faites partie de la nouvelle race. Ça ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi? Parce que la majorité des frères et sœurs, du point de vue cosmique, ne naissent pas sous le même toit des mêmes parents. Donc, en partant, on a des individus dans une famille qui font partie de la nouvelle race, d'autres qui n'en font pas partie. Et très souvent, on va remarquer des familles, par exemple, où une personne qui a été élitique dans la famille, elle a apparemment tout eu. Elle était intelligente, était bonne, a eu de la chance, tout a fonctionné. Son frère, sa sœur, etc., comprend pas trop, coulé à l'école, problème de drogue, comprend pas grand-chose, le musique, tout a fonctionné. Effectivement, la personne, elle a ramassé le mieux des génétiques familiales au niveau karmique, et ce sont les individus, ses frères et sœurs autour, qui vont ramasser, qui vont assumer une partie de son karma à la personne en haut pour lui permettre de grimper. Et la personne, mais dans la spiritualité, ce qui va arriver, c'est que la personne qui commence à grimper, elle va vouloir arrêter pour commencer à monter les autres. Et là, il n'y a plus personne qui monte. C'est de la spiritualité, c'est intéressant, c'est beau, c'est joli. C'est digne de l'humain, sauf que c'est nuit. Mais est-ce que karmiquement, le lien qui existe entre celui qui a monté et ceux qui ont permis de monter, permis en guillemets, énergétiquement, qui ont supporté le karma pendant son ascension, est-ce qu'il y a un lien karmique? Il y a un lien karmique. Le lien karmique, il est blanc si la personne décide de grimper sur le dos des autres énergétiquement puis de s'en aller faire ce qu'elle a à faire. Il va avoir un lien karmique blanc. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça va rapporter à ceux qui l'auront supporté. Puis si la personne spirituellement décide de les aider, sur le moment présent, elle aura encore là un karma noir, elle n'aura même pas de plaisir. Puis en plus, elle aura dans les temps à venir que du karma noir, pour la simple raison qu'elle n'a pas fait ce qu'elle fallait faire. Toi, tu as besoin de 50 000 $ et puis moi, je décide que je vends mon auto, je me prive un peu, je donne 50 000 $ Alors toi, au lieu de t'en servir, par exemple, pour faire quelque chose qui pourrait te rapporter, puis nécessairement, tu vas venir me chercher, puis ça va nous rapporter, ben tu décides de payer mes dettes avec les 50 000 que j'ai donné. Bon, fait que tu payes ci, tu payes ça, tu payes ça, puis finalement, ben là, moi, j'ai perdu tout ce que j'avais, là, pour toi, là, puis au bout de 15 ans, ben quand je vais avoir des comptes, ben tu me dis que à cause que tu étais triste pour moi, puis à cause que tu m'avais en pitié, ben là, tu m'as, le petit système de son que j'ai reçu en cadeau, à un moment donné, d'un admirateur inconnu, là, ben c'était toi que t'as acheté ça avec mon argent, puis bon, fait que finalement, tous les deux, on n'a plus rien. Alors, c'est vraiment pas correct. C'est ce qui, dans la spiritualité, c'est ce qui va arriver parce qu'on va dire aux gens. D'ailleurs, les gens sont même déjà bâtis spirituellement pour se sentir coupables d'être mieux qu'un autre. Et c'est ce qui nuit énormément à l'avènement de la nouvelle race, c'est que les individus n'osent pas traverser, n'osent pas être quelqu'un d'autre parce qu'ils se sentent coupables d'être différents, probablement d'être en meilleure affinité énergétique. De base, le système éducationnel canadien dit qu'à la naissance, tous les enfants sont égaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu leur donnes un professeur d'une classe particulière, ils vont tous avoir les mêmes notes. Et s'ils n'ont pas les mêmes notes, c'est à cause des parents. L'environnement social, bon, évidemment, la famille, mais c'est les parents. Les amis. Nous, on va... Mais c'est évident que les enfants de base sont totalement différents. Il n'y en a pas un qui est pareil. Il y en a un qui va comprendre, il y en a un qui ne comprendra jamais, il y en a un qui va comprendre à moitié, il y en a un qui va surcomprendre, il va comprendre plus que le professeur. Et puis, on a tout un paquet, une panoplie de différences au niveau des jeunes parce qu'ils sont génétiquement différents. Et nécessairement, le milieu, en fonction de leur génétique, va leur amener des caractéristiques différentes. Ils ont fait des études souvent au niveau de la génétique pour prouver que c'était faux. Alors, ils prenaient des jumeaux identiques, ils les plaçaient dans des familles différentes, puis les jumeaux arrivaient à des choses similaires, apparemment. Et ce qu'ils ont découvert, à un moment donné, ils ont pris les jumeaux identiques, ils ont placé dans des familles totalement différentes. Puis ils se sont rendus compte qu'il y avait une différence totale. Donc ils se sont dit, ben voilà, c'est pas la génétique. C'est uniquement le milieu qui détermine ce que l'enfant va être. Dernièrement, en France, ils ont travaillé différemment un peu, et ils ont étudié d'autres facteurs. Qu'est-ce qu'ils faisaient, eux? Eux, ils disaient simplement, ben voilà, toi, tu as un frère identique, un jumeau identique, on te place dans une famille de pauvres, par exemple, puis... ton frère d'une famille de riches. Et puis là, on découvrait que toi, tu n'avais jamais réussi à l'école. On découvrait que tu avais de l'embonpoint. On découvrait que tu étais un bum, que tu prenais de la drogue. On découvrait que ton frère jumeau, lui, était rendu avocat ou notaire, ou etc., était rendu bon. Pas ministre, quand même. Il avait réussi, lui. Il était rendu quelque part assez haut. Et puis, il ne prenait pas de drogue, etc. Tout est totalement différent. Alors, ça prouve que c'est le milieu qui détermine ce que l'humain va être. Et aujourd'hui, avec les études, on s'est rendu compte de d'autres choses. On a commencé à suivre les individus en tant qu'humains plutôt que de regarder ce que socialement ils ont fait. Puis on s'est rendu compte que les deux, lui avait 300-400 livres dans sa bibliothèque privée. L'autre était toujours dans la bibliothèque du village. Les deux aimaient lire. Génétiquement, les deux aimaient lire. Et on s'est rendu compte que toi, tu faisais telle chose. Tu prenais des petits drinks en société. Puis lui, il était drogué. Mais on se rendait compte maintenant que tu étais alcoolique toi aussi. Mais d'un alcoolique est respectable, c'est-à-dire que tu n'as jamais été chaud. Mais si tu ne peux pas boire pendant plus d'une journée ou deux, tu commences à être réellement stressé. La génétique, vous avez enclenché tous les deux. L'éducation va altérer les réactions sociales. Et là, on s'est rendu compte que toi, tu conduisais ton automobile en fredonnant des chansons. On s'est rendu compte que ton jumeau est toujours en train de chanter. On s'est rendu compte dernièrement qu'effectivement, la génétique était fondamentale pour ce que devait être un être humain, et que par la suite, les milieux pourraient exploiter bénéfiquement ou négativement les caractéristiques fondamentales de la génétique. Donc, en partant, l'humain n'est pas égal à la naissance, c'est totalement différent. Ça fait longtemps que les sages l'ont dit. Les sages, ils ont dit, avez-vous remarqué le printemps qu'il y avait toujours de grandes, sur les arbres, il y avait de grandes pousses et de petites pousses, mais que tout c'était utile. C'est génial. Quand Adolf Hitler a dit la même chose, avez-vous remarqué qu'il y a du monde qui ne connaissait rien, qui ne comprenait rien, mais d'autres qui comprenaient? Ils ont trouvé que ce n'est pas correct. C'est la même chose. Surtout que le dresseur de chien, il va dire, le dresseur est important, mais la matière de base, le chiot, il l'est plus. Ils choisissent d'un chiot aux autres. Là, pour dresser les chiens pour les aveugles, là, ils regardent les chiots. Puis celui qui sort de la boîte en premier, puis celui qui fait ci, qui fait ça, ils le mettent avec d'autres. S'il est mort trop, ils ne prennent pas. Ils prennent la génétique. Après, ils vont le former. C'est facile. L'humain, oui. Dans son exemple de jumeaux, les deux sont génétiquement, portent le même code génétique, sont génétiquement, énergétiquement semblables. Est-ce que ça veut dire qu'en dedans de nous autres, en réalité, on a les deux facettes? On a la facette de celui qui réussit, celui qui réussit pas, celui qui boit, celui qui boit pas, celui qui se drogue, celui qui se drogue pas, puis qu'il y en a une des deux qui va être développée en fonction de... Non, si tu as une génétique de personne qui finira par être narcomane, qui tu as probablement 99% d'être narcomane. Ça va dépendre uniquement de ton éducation. Qui va peut-être être capable de faire en sorte que ça ne sorte pas? C'est évident que tu auras peut-être d'autres phobies. Peut-être que tu seras une personne qui aura besoin de relations sexuelles sans arrêt. Peut-être que tu seras une personne qui sera droguée avec le sport. Tu as des haltères dans ton sous-sol, puis tu en fais sans arrêt, puis tu transpires, puis tu grossis. Mais la génétique, on n'a pas les deux facettes. Par contre, ce qui est intéressant chez l'humain, c'est que l'humain a la capacité de cellularisation. C'est-à-dire que l'humain peut muter de son vivant. Et pour que l'humain mute de son vivant, c'est là que va intervenir l'éducation et surtout l'instruction. Parce que l'éducation, c'est pas... L'éducation, c'est pour vous montrer comment bien vivre parce que on n'est pas assez intelligent pour s'en rendre compte. C'est de l'instruction qu'il faut donner. Pas de l'éducation, on n'éduque pas quelqu'un. On ne met pas ses doigts dans le nez à la table. Bon, on ne doit pas se moucher comme ça. Et puis, etc. Ça, c'est de l'éducation. Autrement dit, ça marche mal, faites-le pas. Ça, c'est de l'éducation. L'instruction, c'est autre chose. L'instruction, c'est là qu'on comprend les mécaniques, qu'on comprend les choses. Ça, c'est de l'instruction. Une personne, par exemple, qui est éduquée va être une personne qui va avoir justement une bonne morale. Une personne qui va être instruite, elle, va être écologique. Elle n'aura pas de morale. Elle ne fera pas quand même des gestes inécologiques, mais elle sort par l'intelligence. C'est que moi, là, si j'ai une bonne morale, eh bien, je te volerai pas. À cause que je suis un gars de morale, je te vole pas. Mais je ne comprends pas les mécaniques. J'ai été éduqué à ne pas voler. Par contre, si je suis instruit, si je comprends les mécaniques, je vais comprendre c'est quoi l'écologie, je vais comprendre les conséquences, donc je ne te volerai pas. Mais je comprends la mécanique. C'est évident que du point de vue des deux, la race nouvelle ou la race ancienne, ça semble similaire, totalement différent. Parce qu'à un moment donné, quand il va se passer des mécaniques neuves, lui va pouvoir jouer avec. Tandis que celui qui fait partie de la race ancienne, parce que lui n'a pas compris, parce qu'il a été éduqué, lui, quand il arrive des choses neuves, il ne sait pas quoi faire avec. Il va falloir qu'il soit rééduqué. Il va falloir qu'on le rééduque. Et sa rééducation, dépendamment de son âge, devient toute une problématique parce qu'il va résister. Parce qu'il a appris telle chose. Moi, à mon âge, j'ai été éduqué dans... Bon, ça devient tout un problème. Alors que la personne qui est instruite, elle comprend les mécaniques. Donc, dans l'instruction, dans la compréhension, se trouve toujours enfoui de toute façon suffisamment accessible, ce qu'il faut pour qu'on soit capable d'accepter le neuf, puis de comprendre que c'est nécessaire et évident qu'on va avancer. Les scientifiques s'instruisent, ils ne sont pas éduqués, ils s'instruisent. Alors, ils amènent une théorie nouvelle du cosmos. Après 2-3 ans, ou après 20 ans, mais la théorie nouvelle du cosmos qui la mettent aux poubelles. Ils disent, c'est plus ça. On a une nouvelle théorie. L'instruction les autorisera toujours à remettre en question toute leur théorie. Et en plus, parce qu'ils sont instruits et qu'ils connaissent la puissance des théories, alors ils ne diront pas, est-ce-tu niaiseux qu'on a écrit ça? Ils vont dire, une chance qu'on ait eu cette théorie-là, qui était un modèle de l'univers, qui était faux, puis qui nous a permis pendant 2-3 ans d'asseoir le nouveau modèle de l'univers qui est plus près de la réalité. Alors que la personne qui est éduquée, elle va être éduquée que la Terre est plate, par exemple. Quand quelqu'un va dire que la Terre est ronde, ben, on crucifie, on met en prison, on incendie tout de suite. Ben, ça n'a pas de sens. L'éducation devient une problématique. Et très, très souvent, c'est ce qu'on fait avec les enfants. D'ailleurs, c'est ce qu'on s'est fait faire, c'est ce qu'on se fait faire encore. On éduque, on n'instruit pas. Et l'instruction, c'est toujours une communication de maître à disciple. Et quand je parle de disciple et de maître, je parle encore en relation avec les maîtres orientaux. Le maître, c'est celui qui se maîtrise, qui maîtrise sa matière. Le disciple, c'est celui qui est capable de discipline. Un disciple, c'est pas celui qui est assujetti au maître. Ça, c'est les maîtres occidentaux. Où le maître, il est là uniquement pour bien pavaner, puis il a besoin d'un paquet de disciples. Un maître oriental va te dire, tu vas lui dire, écoute, comme maître, c'est pas fort, t'as juste 3 disciples. Le maître oriental va répondre, écoute, c'est pas la grandeur d'un cercle qui fait sa perfection, c'est sa rondeur. Et la qualité des personnages est beaucoup plus importante que la quantité de gens. Il n'y a rien à faire. Si on va en Occident puis on dit à quelqu'un, écoute, tu as 3 disciples, ça ne se présente pas. Il ne se présentera pas, ces 3 disciples. Il va s'en ramasser un paquet, il va demander aux gens d'aller en chercher d'autres. Il a besoin d'être assis. On est toujours dans l'ère ancienne là-dedans. Mais l'instruction, puisque l'humain a besoin, puisque l'humain aura de plus en plus besoin, c'est pas un psychologue, c'est un philosophe. Seule la philosophie s'est disparue dans le passé. Les philosophes ont toujours été les individus. Les philosophes sont des sonneurs de cloches. Ils viennent sonner les cloches pendant que les gens dorment, puis ils viennent leur annoncer que le jour s'en vient. Bon. Alors, les philosophes, et chaque fois qu'il y a eu l'avènement de nouvelles races, et même au niveau des sous-races, au niveau des sous-cycles à travers les humanités, c'est les philosophes qui ont mené ça. Est-ce que la philosophie, c'est pas trop doux, c'est pas trop long comme... La philosophie, ce n'est pas doux quand c'est... Non, ce n'est pas doux la philosophie quand c'est exprimé par quelqu'un qui la pratique, qui non pas par quelqu'un qui ne fait que la théoriser. Prenons un exemple de philosophe. Le meilleur exemple que je vais te donner, c'est le bonhomme, c'est un film qui est passé dans le passé, évidemment, hein, qui n'a jamais fait fureur, parce que c'était pas un bon film. C'était trop bon. Alors, le philosophe là-dedans, c'est un maître, simplement, puis un bonhomme qui décide qui se promène, puis il est à la recherche d'un livre sacré dans lequel se trouvent toutes les informations de l'univers. Et puis, à un moment donné, le gars qui est un guerrier, il entend jouer d'une flûte. Alors, il s'approche, puis finalement, il voit un bonhomme qui joue de la flûte. Le bonhomme, il joue de la flûte. Le bonhomme est aveugle. Alors, il s'approche lentement. C'est un guerrier, donc il fait pas de bruit, il s'assoit, puis il écoute l'autre qui joue de la flûte. Et puis, à un moment donné, il y a une abeille qui se promène autour de lui. Fait que finalement, le gars qui joue de la flûte, il arrête de jouer de la flûte. Il attrape l'abeille, le lance ailleurs, puis continue à jouer de la flûte. Et puis, à un moment donné, il arrête de jouer de la flûte. Il prend une pomme, il la brise en deux, bien correct, puis il lance la pomme sur l'eau. Fait que, il garde tout moitié de pomme, il y avait deux pommes, il prend l'autre pomme, il la donne au gars qui était assez loin. Le gars venait de se rendre compte qu'il était aveugle. Fait que le gars, il lui dit, mais tu es aveugle? Fait qu'il lui dit oui. Alors il lui dit, oui, mais comment t'as pu faire pour taper l'abeille, puis en plus pour me lancer la pomme? Il dit, il y avait une abeille, puis t'étais là. L'autre, il essaie d'ouvrir, de fendre la pomme en deux, finalement, il arrache la pluie, des problèmes. Fait que là, le maître, il dit rien. Là, il dit, franchement, vous m'impressionnez. Le bonhomme, il dit, mon art n'a pas été créé pour t'impressionner. Ça, c'est un philosophe. Mais c'est un philosophe qui tape dur. Pas sa démonstration, pas parce qu'il intègre ce qu'il dit. C'est lui, à un moment donné, qui se promène dans un village sur le bord de la mer, là, puis il y a un petit enfant, un petit garçon d'à peu près une douzaine d'années, que tout le monde vient servir parce que c'est extrêmement joli, puis quand il passe à côté, il donne un coup à peine face, puis il casse le nez. Puis là, le disciple, il comprend absolument rien, puis il lui dit, t'es totalement niaiseux, etc. Le maître, il a dit, écoute, tu m'as dit que tu ne me poserais aucune question si tu me suis. Ça ferme ta boîte. Puis après quelques fois, il commence à l'engueuler, puis il dit qu'il va le lâcher là, il dit, t'es totalement fou. Puis lui, il lui dit, qui est fou, celui qui est fou ou celui qui suit le fou? Fait que l'autre, il lui dit, effectivement, je m'en vais. Puis là, il lui dit, t'as cassé la gueule à un petit gars, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait ça. Lui, il lui dit, le petit gars, il serait devenu un tyran. Fait que maintenant qu'il a le nez brisé, là, il va être capable d'être heureux, puis il va cesser d'emmerder tout le monde. Ça, c'est un philosophe doux. C'est pas un psychologue. Il a pas commencé à faire des cures de thérapie au petit gars, des cures de thérapie à l'autre. Ça fonctionne plus. L'humain qui transite vers l'ère nouvelle devient tellement mental qu'il n'y a pas un psychologue, il n'y a plus un psychologue qui va être capable de l'accoter. Pas au niveau de la mentalisation. Parce que, madame, monsieur, c'est parce que vous êtes ceci, parce que vous faites cela. La personne répond, oui, je le sais, oui, ils savent tout le monde. Oui, mais... Ils savent tout le monde. Mais maintenant, il faut un maître. Et quand je parle de maître, c'est qu'il faut un maître, un sage. Il faut un philosophe. Puis les individus, autonomement parlant, doivent devenir des philosophes, des maîtres pour eux-mêmes. Quand on parle de devenir son seul maître, son maître contrôleur, c'est ça. La race nouvelle sera nécessairement une race de philosophes, des individus qui vont être capables de s'auto-instruire et qui n'éduqueront pas, mais qui vont instruire. Alors, le philosophe, dans le sens sage, celui qui détient le savoir, dans le vrai terme, dans la vraie étymologie du mot, sagesse, savoir, le savoir, c'est quelque chose qui est instantané, n'éduquera pas. Il va simplement laisser aller les choses. Quand je parle des enfants Teflon, c'est un peu la même chose. À un moment donné, moi, je suis au restaurant avec mon neveu qui dit des saloperies à la serveuse, et puis après ça, je lui dis d'une fois dehors, qu'est-ce qui garantit que la serveuse n'aurait pas craché dans ta salade après lui avoir dit ça? Alors là, il a vu toutes les fois que tu es allé au restaurant avant, parce qu'il faisait des conneries comme ça tout le temps avant. Et puis là, on est allé dans un autre restaurant, puis il n'a absolument rien dit. C'est pas un psychologue, là, c'est pas un éducateur, là. Ça se fait pas ce que tu as fait là, c'est pas correct, ça. Non, ça marche pas, ça. Ils ont tout essayé. Les psychologues l'ont soigné, les psychiatres lui ont donné des médicaments. Moi, j'ai rien dit, écoute, si tu as la vinaigrette que tu commandes, ah, peut-être que ce serait intéressant que tu... Oui, je te dis ça comme ça. Ça, c'est de la philosophie. C'est-à-dire, c'est un contrôle, c'est la compréhension des mécaniques de savoir instantané relié à la vie, c'est la sagesse. C'était clair. Puis recommencer ça. Est-ce qu'on va apprendre à s'auto-philosopher? Parce que comme dans cet exemple-là, là c'est un enfant, mais disons, dans le cas d'un adulte, on a aussi des problèmes que souvent nous autres, on verra pas. Mais que quelqu'un à côté va voir avec une façon... Oui, puis encore là, c'est un peu faux, parce que toutes les personnes qui sont ici, les personnes qui n'y sont pas et qui écoutent, sont suffisamment capables de philosophiser de façon à être leur sommet, à s'aider. Mais les gens ne se l'autorisent pas. Je prends un exemple d'une personne qui a un gros problème avec son ami de cœur, et puis c'est tout un amancheux, puis bon. Et elle voit des psychologues parce qu'elle se sent toujours nerveuse, elle a peur que ça en aille, puis elle veut le revoir, puis bon, là on va voir un conseiller matrimonial, puis on va voir un bonheur, tu sais, c'est bon. Et puis là, subitement, elle rencontre quelqu'un qui lui dit, bon, paye 50$, tu sais quoi, votre problème c'est quoi? Le philosophe, il lui dit, juste comme c'est un mot philosophique, il lui dit simplement, ce que tu aimes, laisse-le libre. S'il te revient, il est à toi. S'il ne te revient pas, il ne t'a jamais appartenu. Ça peut puncher bien plus fort que toutes les amanchées psychologiques. C'est simple. S'il ne te revient pas, il n'a jamais été à toi. Fait que tu n'auras jamais ce qui n'est pas à toi. Clair. OK? Alors, la personne va s'en aller comme ça, elle va comprendre les choses. Bon. Le philosophe, il a la capacité, quand on parle d'un bon philosophe, il a la capacité de donner à l'humain ce qu'il a besoin de savoir tout de suite. Quand c'est nécessaire qu'il le sache. Le psychologue n'a pas. Bon, on a un psychologue ici dans la salle qui parle souvent. Puis déjà là, le psychologue, il vient juste de dire justement des choses qui n'étaient pas opportunes. Pourquoi? Parce que la personne qui a des problèmes comme ça n'est pas apte à comprendre que rien ne lui appartient. Donc, il faut commencer par lui faire comprendre que ce qui n'est pas là, au minimum, ça ne t'appartient pas. Ça commence déjà à pouvoir être un peu plus heureuse. Puis si tu es plus heureuse en tant qu'individu, en tant que personne, bien, à un moment donné, tu auras de l'énergie pour être capable de comprendre d'autres choses. C'est de la philosophie aussi qui va te faire dire à un moment donné que le reste t'appartient pas. Puis un jour, en philosophisant, tu es capable de découvrir que finalement, tout est toi. Donc, ça t'appartient. Raison de plus pour courir après. Bon. Mais, puis finalement, à un moment donné, tu arrives philosophiquement à te détacher de certaines choses. La philosophie, c'est de l'instruction. Est-ce que c'est une forme d'énergie qui est différente de l'instruction spirituelle ou de religieuse? L'instruction spirituelle est trop souvent de l'éducation. Un sage, un philosophe, t'amène à ta maison de sagesse, t'amène pas à la sienne. Tandis que dans les structures spirituelles, on t'amène toujours aux maisons de sagesse du collectif, on t'amène à l'église. Au temple général. C'est ça. Et dans l'ère nouvelle, quand on parle d'une race neuve, ça veut premièrement dire ceci. Dans la race neuve, premièrement, sera régie. Le plus bas que la race nouvelle va être capable de descendre du point de vue spirituel, c'est au niveau d'une religion mentale. La religion mentale sera la première religion sur cette planète qui autorisera l'individu à se libérer d'elle-même. Toutes les religions actuelles sur la planète interdisent aux fidèles de s'en aller. Tu vas aller au ciel, tu vas aller au ciel, tu vas aller au ciel, tu vas aller au ciel, tu ne sais pas tout ce qu'on te dit, ben même si ça fait 25 ans, tu fais ce qu'on te dit, tu as des chances de ne plus y aller. Et évidemment, pour amorcer les disciples, on va dire aussi, ben écoute, pendant 25 ans, tu n'as rien fait, 3 secondes avant ta mort, tu changes d'idée. On t'embarque. Ouais. Tu as besoin. La religion, c'est une technique de relation. Religion, ça vient de religares, qui veut dire se relier. Mais toutes les religions planétaires actuelles interdisent à l'humain de se libérer d'elles, donc rendent l'humain l'esclave de la religion. La religion mentale sera l'ultime expression des théologies sur la planète. Et c'est une religion qui se pratique individuellement. Tu ne vas pas au temple. Tu peux, par contre, aller dans une salle de conférence ou aller dans une... dans un parloir. Hein, tu peux rencontrer des individus pour faire de la philosophie, pour parler. Mais tu n'es pas à la messe. Là. Alors, tu peux rencontrer des individus pour être capable d'exprimer tes énergies, ce qui va finir par amener de la compréhension chez toi. Ça va placer des choses. Ça va créer des théories. Ça va créer des concepts qu'on va rejeter après, mais sur lesquels on va être capable de monter. Parce que tant qu'on est sur le contexte planétaire, en fonction des mémoires, il n'existe pas de marche déjà construite pour permettre à l'humain de partir de son état actuel pour l'amener à un état où il sera totalement libéré de l'ignorance. Il n'y a pas de marche. L'humain doit les construire, les marches. Et l'humain les construit à partir de concepts et de théories, de théologies, de choses comme ça. C'est évident que quand tu arrives tu montes une marche, après ça, on en construit une autre, tu montes sur celle-là, ben, chiale pas après celles qui sont en bas, t'as pas besoin de monter. Puis gueule pas après les individus qui sont sur ces marches-là, il y en a besoin. Tout est correct. Mais l'individu qui fait partie de la race nouvelle va donc, le plus bas, avoir une religion mentale. La religion mentale est une religion qui va lui permettre d'ajuster l'expression du passé, donc l'éducation et l'instruction du passé, en fonction de ce qu'il commence à vivre dans sa conscience, dans le présent, puis ce qu'il vit aussi comme événement. La religion mentale va être, c'est une chose qui va naître spontanément à travers tous les individus sur la planète Terre qui sont suffisamment conscients de la limitation des structures traditionnelles. Un peu plus, bon, dans la race nouvelle, évidemment, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des enfants, c'est absolument évident. La race nouvelle, nécessairement, les individus, et quand on parle de la race nouvelle, il faut toujours faire attention, c'est qu'on décrit la race nouvelle à partir d'une vision qui est réelle, mais qui est une vision qui est extrémiste. Hein, la personne, on dit, bon, la race nouvelle, est-ce qu'ils vont être malades? Non. Ah ben moi, je suis pas dedans, je suis malade. Oui, mais c'est, je dis pas qu'il n'y aura pas de maladie dans la race nouvelle. Vous me demandez si la race nouvelle va être malade. Bon. Est-ce que la race nouvelle va être intelligente? Oui. Est-ce qu'elle va être capable de comprendre l'informatique? Oui. Alors moi, je ne comprends rien là-dedans. Oui. Mais est-ce que vous avez du cœur? Vous, est-ce que vous êtes un être qui a une attitude qui est écologique? Vous, est-ce que vous êtes une personne qui est capable de trouver stupide des mécaniques, des choses qui se passent à pleine terre présentement? Êtes-vous capable d'avoir une sensibilité? Ça part de la race nouvelle aussi. Ça dure combien de temps, une race? Un cycle? Pas tellement longtemps, pas tellement longtemps. Ça dure... La prochaine va durer approximativement 13 000 ans. Je veux dire qu'avant d'arriver à la fin, est-ce que là, actuellement, si on est à la fin de la race précédente... Là, on approche de la fin de la race blanche. Est-ce qu'on a tout atteint à peu près la limite de ce que cette race-là peut donner? La race nord-américaine, entre autres, évidemment, il y a des exceptions, des exceptions sur la planète, mais la race teutonique anglo-saxonne, c'est la plus performante et elle a atteint le summum de ce que la génétique blanche. On parle de blanc, évidemment, on parle de race neuronique, on ne parle pas de race cutanée, parce que mon chandail est blanc. Bon, pas moi. Moi, je fais partie de la race. Je fais partie de la race blanche, pas du neuronique, des noms qui sont en train de donner. Ça n'a rien à voir avec les ethnies. On est présentement dans le summum. Moi, le corps physique que j'ai présentement, si je ne le mute pas et si je ne le transforme pas, je ne pourrais pas aller chercher d'autres choses. Et pour les individus, c'est tous la même chose. Il y a des personnes qui disent « Oui, oui, mais j'essaye, mais je ne peux pas. » Ils ont l'énergie à l'intérieur d'eux, mais ils n'ont pas encore le corps physique pour leur permettre d'exprimer d'une façon efficace l'énergie qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et nécessairement, si ce n'est pas exprimé, ça ne peut pas grossir à l'intérieur. Donc, les personnes doivent attendre le temps. Qu'est-ce qui arrive dans l'éventualité où tu ne peux pas passer à l'autre étape? Comme tu le dis, Ah ben, tu passes pas, tu meurs, et puis nous autres, on va t'enterrer, on va te brûler, t'incinérer, et puis tu vas te réincarner avec tes structures astrales dans des régions un peu plus tard. Est-ce que c'est ça qui te tue, de ne pas être capable de passer? Est-ce que ça peut détruire le corps physique? L'énergie, premièrement, la sixième race est là qu'on ne l'exprime pas. Ouais, mais il n'y a pas... C'est-à-dire que ne peut... OK. Bon, la question elle est multiple en termes de vision, de point de vue. Ne pas être capable, il faut faire attention. Quand une personne se rend compte qu'elle n'est pas capable de traverser, elle doit se bien comprendre qu'elle est totalement dans l'illusion. Il n'y a pas un humain actuellement capable de découvrir s'il est capable ou pas. On ne peut pas savoir, on ne peut pas juger ça. Si tu es suffisamment... évoluer, conscientiser pour connaître toutes les mécaniques nécessaires à la transition, être capable de dire « moi, je ne suis pas prêt », c'est que tu es déjà dedans. Donc, tu es dans l'illusion. Puis si tu dis « je ne suis pas prêt », puis tu n'es pas suffisamment conscientisé, de toute façon, tu n'es pas suffisamment conscientisé présentement, ce qui fait que tu peux juste te faire ramasser par des illusions, tu ne peux pas savoir. Une personne qui, comme souvent pour les martyrs de la transition fondamentale, une personne qui me dit « bon, peut-être moi, je pense que j'en suis un ». Un MTS, un martyr d'attention supramentale, ne se vante jamais d'en être un. Il ne se pose jamais la question. Lui, il est sûr qu'il en est un. Une autre personne m'a dit, ben moi je suis lance-poireuse, donc j'en suis un. Ouais. Ça fait partie de l'éducation. Quand les gens sont éduqués, ils ne peuvent pas comprendre. Quand les gens sont instruits, on n'a plus besoin de tout leur expliquer, les petits détails. Ils comprennent. Parce que je pose la question parce que tu parlais de la dernière conférence de Melchizedek, puis que c'est quelqu'un qui peut avoir refusé, par exemple, accès à la fusion ou à l'information ou à l'instruction. Est-ce que dans refuser de passer d'une race à l'autre, est-ce qu'on peut consciemment refuser de passer d'une race à l'autre? Non, c'est toujours inconsciemment, sauf que c'est consciemment inconsciemment ou inconsciemment conscient dans le cas des Melchizedek. C'est-à-dire que de toute façon, c'est deux manipulations, puis on est dedans ou on n'est pas dedans. Oui. Mais même les Melchizedek font partie de l'autre race, sauf qu'ils font partie des bases de l'autre race. Ils sont dedans, c'est des personnes qui vont allumer les lampadaires. L'allumeur de réverbère pendant un laps de temps. La nouvelle race, on veut la décrire encore un peu, puis elle est déjà là. C'est évident qu'elle est déjà là. Il y a énormément d'individus qui font partie de la nouvelle race. C'est évident qu'on n'entendra pas les cloches des pays sonner à un moment donné, parce qu'il va y avoir un gros tremblement de terre, il va y avoir des explosions nucléaires un peu partout, puis ceux qui vont rester vivants, c'est la nouvelle race. Et ça ne fonctionne pas comme ça. La nouvelle race, elle est déjà là. Ça ne sera pas éclairé, ce coup-là. Mais non, c'est ça. Il faut comprendre un peu comme l'enfant qui devient adulte, c'est pas du jour au lendemain qu'il part. Il peut avoir 18 ans, il peut être aussi niaiseux que quand il avait 2 ans et demi. Puis il peut avoir 18 ans, il peut être aussi brillant que quand il avait 2 ans et demi, dépendamment de comment il était. Alors nous, on cherche toujours à voir la ligne où ça change. Parce que la ligne où ça change, c'est la preuve que ça a changé. Bon, tu es malade. Oui, non, je suis pas malade. Parfait. À un moment donné, ben là, quand on va te diagnostiquer un cancer, puis... tu sentiras rien, tu vas en plus encore protester. Et à un moment donné, la personne va avoir une attaque de foie majeure, elle se ramasse à l'hôpital avec un paquet de problèmes. Là, elle va dire, oui, je suis malade. Ça fait 5 ans. Ça se développe, ça se progresse, mais on ne réalise pas tant que surtout que les individus qui sont en transition sont les personnes les plus mal placées pour s'en rendre compte. Est-ce que les autres s'en rendent compte, ceux qui nous entourent? Les autres vont s'en rendre compte, sauf qu'il faut faire attention encore une fois, c'est que la nouvelle race, l'idée que l'humain se fait d'un être humain correct ou d'un être humain, les deux choses. On a l'image d'un citoyen modèle, d'un être humain modèle, et où on a l'image d'un être nouveau modèle. Dans les deux modèles, on se trompe, parce que dans le citoyen modèle, on est extrêmement carcanisé, donc on est extrêmement stéréotypé. Un citoyen modèle, c'est quelqu'un qui, bon, j'ai besoin d'un peu d'argent, il m'en prête, il donne un peu d'argent au quêteux, il ne donne pas du tout, dépendamment comment on fonctionne. Et dans l'être nouveau modèle, il est pacifique, il est doux, il est gentil, bon, il applique tout ce que le Nazarien a dit, ou ce que Bouddha a fait, peut-être. C'est un être qui s'habille des couleurs qui sont pastels, un autre dira fluo, bon. C'est un être qui marche lentement, c'est un être qui traverse les rivières en marchant sur l'eau, bon. On a des visions particulières de l'être nouveau. Alors, ce qui va arriver à un moment donné, bon, un être nouveau, quelqu'un qui s'approche d'un être nouveau peut, pendant que la personne est en transition, avoir l'impression que l'autre, c'est un orgueilleux, c'est un hypocrite, c'est un égoïste. C'est typique de l'être nouveau, ça. Bon, c'est une personne qui est individualiste, c'est une personne qui pense un qu'à elle, c'est une personne qui rêve, une personne qui se prend pour le nombril du monde. C'est typique de la race nouvelle, pour dire c'est typique de la race ancienne ici. C'est typique de ceux qui changent. L'être nouveau n'est pas un esclave parfait. L'être nouveau est un guerrier. Donc en partant, c'est sûr qu'un guerrier, ça ne veut pas dire qu'il prend les armes. Ce que ça veut dire simplement, c'est pas un être qui fait partie de la vision nazaréenne de l'ascension humaine. C'est-à-dire que le Nazaréen est un personnage qui est extrêmement dynamique, sauf que les personnes, les ceux qui ont écrit les évangiles par la suite, en ont fait un personnage extrêmement plat. Bon, c'est un personnage qui s'en va, puis quand il écrit, puis il ne s'en rend pas compte. Puis il n'y a pas de problème, il fait une sandale. Il était plus bouddhique que supramental dans la description. Il s'en vient à Jérusalem à dos de mulet, à 0.8 km à l'heure. Il s'en vient à dos de mulet, il fait chaud, puis il n'y a pas de problème. C'est bon. Toute la gang de Suisse, ben. On a une idée du Nazaréen qui est différente. Comme il a fait une colère assez massive, il fallait que le gars ait déjà des muscles un peu, renverser les tables, pas des petites tables en mélamine, mélamine qu'il y avait à l'époque, hein, de la manchure. C'était un personnage extrêmement vivant, extrêmement bougeant. Sauf qu'on a une idée, bon, l'image qu'on s'est faite du Nazaréen, c'est quelqu'un qui se déconne, ça ne s'est pas entré là-dedans. Pourquoi ce n'a pas été soleil? Puis il n'y a jamais eu d'émotion d'exprimer au niveau du visage. Et souvent, c'est l'idée qu'on va avoir aussi du sage, ou du grand philosophe, du grand artiste, de la belle contrôlée à merveille, parce qu'en réalité, il y a des malades qui étaient jeunes, qui ont fait par une puis là, il y a la belle correcte. Si c'est juste un bord, on en va en politique. Ouais, c'est ça. Ça va en politique à gauche, puis... Si c'est droite, c'est un sage. Mais à un moment donné, il pensait qu'il y avait un extraterrestre dans le pièce, ils ont pris une photo, puis le gars avait pas de bouche. Quand ils l'ont pris de face, ils se sont rendus compte qu'il y avait une bouche, mais seulement du coup des gars. Ils l'ont reconnu, c'est que c'est bon. Mais, parce que c'est souvent les profils. L'être nouveau, c'est quelqu'un qui s'amuse. On passe du nazaréen au chrétien, puis ça. Ah, bah, c'est une différence d'énergie, quand même. Être nouveau, c'est quelqu'un qui s'amuse, c'est quelqu'un qui rit, c'est quelqu'un qui va entretenir son corps physique, évidemment. C'est quelqu'un qui, du point de vue endocrinien, ne sera plus manipulable par les problèmes extérieurs. Donc, ni les problèmes d'autrui, ni les problèmes matériels, ni les problèmes événementiels. Là, il ne faut pas qu'on se dise, ah, moi, je suis encore très manipulable, donc je suis pas dans... Il y a des transitions. Est-ce qu'il va s'amuser quand même? Est-ce qu'il va goûter? Pas quand même, il va s'amuser bien plus. Il va que faire ça, s'amuser. Il va s'amuser, il va faire que ça. C'est quand pour les autres? Oui, parce qu'ils vont être jaloux. Ils ne comprendront pas le principe. Il y en a qui s'amusent à être sérieux, puis il y en a qui vont sérieusement s'amuser. C'est la différence entre l'être ancien et l'être nouveau. L'être nouveau, la race nouvelle, elle est déjà... Premièrement, la race nouvelle, sa grande, grande naissance se fait au Québec. C'est commencé depuis des années. Et c'est au Québec que ça se fait surtout. C'est sûr que pour le Québécois, il aurait préféré qu'on vise peut-être l'Allemagne ou l'Europe, un petit pays inconnu quelque part. On a Liechtenstein, bon, Arabais, ça là-bas, là. C'est au Québec que ça se fait. Ça s'expand évidemment aux États-Unis, au Canada, ça s'expand en Angleterre, ça s'expand un peu vers l'Europe. Est-ce que les Français en France pensent que c'est en France, puis les Anglais pensent que c'est en Angleterre? Les Français en France, les instruits français, hein, de France, sont convaincus que c'est le Québec qui est la terre promise. Les initiés en britannique sont totalement convaincus que c'est au Québec que ça va se produire aussi. Si on parle des Templiers, c'est le Québec. Si on parle des Rose-Croix, c'est le Québec. Si on parle des Francs-Maçons, c'est le Québec. Si on parle de Tulé, c'est le Québec. Si on parle de la majorité des sociétés secrètes, il y en a qui sont secrètes qui s'entendent, mais le Rose-Croix, c'est très, très secret. On sait que le maire de Paris est dans les Rose-Croix. On sait que le chef de la police est allé dans les Rose-Croix. On sait, bon. Secret, il y a un bottin téléphonique. C'est ça, exactement. Oui. Bon. C'est que, d'ailleurs, il y a un gars moustache qui a interviewé dernièrement un grand représentant de la Rose-Croix, qui lui demandait c'était quoi son l'objectif de Rose-Croix. Puis lui, il a dit, ben justement, on aimerait le savoir. C'est ça qui est secret. Il a fait photo, pourquoi ils sont ensemble. Bon. C'est vrai. Ils ne savent pas pourquoi ils sont ensemble. Et l'Europe sait que c'est le Québec. Puis les États-Unis savent aussi que c'est le Québec. Les Canadiens savent. Les Québécois ont de la misère à le croire. Non, les Canadiens ne savent pas pour ça. C'est vrai, les Canadiens ne le savent sûrement pas. Mais les Québécois ont de la difficulté à... pas pour moi, mais il semble que c'est vrai pour d'autres. C'est fait logique. À accepter ce fait-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas habitué à dire qu'il y a quelque chose au Québec qui va être révolutionnaire ou qui va être exceptionnel. Ou qui va être... Et c'est commencé dans plusieurs domaines. Le Québec, il fait des percées intéressantes au niveau de l'informatique, au niveau de la programmation des logiciels. Il fait des percées intéressantes au niveau de d'autres choses. Si on regarde simplement le Québec en tant que province, puis on peut fouiller, on a, bon, on peut parler de Bombardier qui s'est fait un peu partout. La Cascade qui s'amuse un peu aussi, puis on pourra en nommer plusieurs autres au niveau de ce qu'ils ont comme possibilité. Mais c'est surtout au niveau de la psychologie humaine que le Québec va faire son chemin. Et la race nouvelle, elle naît surtout au Québec, elle naît ici. Beaucoup plus. C'est au Québec qu'on a la majorité des individus au prorata de la population, capables de supporter des mécaniques neuves, capables de supporter des mécaniques de conscientisation, capables d'être allergiques aux traditions, aux religions, au passé. C'est au Québec qu'on a la majorité des individus capables d'accepter des choses qui sont différentes. C'est évident qu'on a encore du racisme. C'est évident qu'on a encore des problèmes. C'est quand on voyage à travers le monde, si tu abordes le drapeau du Québec, si tu es reconnu comme étant un Québécois, dans la majorité des pays, tu vas être mieux accueilli que si tu es Canadien. Mais de toute façon, ça va beaucoup mieux accueilli que si tu es Américain. Bon, c'est pas se promener avec un drapeau américain, c'est dangereux de te faire enlever. Tu peux te promener avec ça assez loin, ils vont tirer sur le drapeau. Ça te prend. Alors, le Cito-Québec, que ça se passe présentement, c'est évident que les enfants font partie de la majorité des génétiques de la race nouvelle. La problématique, c'est que les jeunes, on les éduque et on les instruit pas. Bon, on les instruit un petit peu à l'école, on les instruit un petit peu à la maison, bon, comment faire rien à faire, comment apprendre toutes choses. Sauf qu'on ne les instruit pas du point de vue de l'humain, on les instruit uniquement du point de vue du soutien matériel. Ça fait pas longtemps que l'éducation est plus entre les mains des religions, si on le regarde au niveau de l'histoire. Non, ça c'est essentiel, évidemment, qu'elle leur échappe. Juste de l'éducation. Ça c'est essentiel que ça leur échappe, l'éducation des mains des religieux et des religieuses. Pas parce que c'est eux autres qui n'est pas correct. Bon, ils n'ont rien fait de pire que ce que les laïcs font. C'est pas un gros problème. On sait qu'il y en a qui ont battu des enfants, les parents l'ont fait. On sait qu'il y en a qui ont violé des enfants, les parents l'ont fait. On ne peut pas les voir. C'est juste qu'on ne s'attendait pas que les supporters de la morale soient normaux. On s'attendait pas à ça. C'est juste la nuance. Mais présentement, la majorité des jeunes, la race nouvelle, elle est problématisée parce que la majorité des adultes ne savent pas encore ce que c'est que l'institution. La majorité des adultes n'ont pas ou ont perdu la capacité de s'instruire. Et s'instruire, ça veut dire quoi? C'est évident qu'en venant à une conférence, on s'instruit. C'est évident qu'en écoutant certaines émissions à la télévision, on s'instruit. C'est évident qu'en lisant certains livres, on va s'instruire. Mais la majorité des personnes n'ont pas l'idée, ils n'ont pas compris l'idée, ils n'ont pas, c'est pas encore sécularisé, que l'instruction, c'est quelque chose qui se fait minimum tous les semaines. Donc, minimum, ce serait le plus fun, c'est tous les jours, évidemment. Et quand je parle d'instruction, ça veut dire qu'il ne devrait pas y passer une seule journée sans qu'on puisse quelque part faire de la philosophie, au minimum. Sinon, discuter avec quelqu'un, minimum, constater quelque chose, réfléchir sur une mécanique, puis essayer de la phraséologiser ou de l'écrire pour être capable, par la gestion de pensée, d'avoir une réponse qui va être neuve sur la chose. L'humain n'entretient pas son corps physique régulièrement. À un moment donné, vous avez un four micro-ondes. Ben, il serait temps qu'un jour, vous appreniez son fonctionnement complet et global. On doit aller chercher dans le neuf. Et à un moment donné, les personnes doivent s'instruire au niveau de l'anatomie physique. Les gens connaissent un peu leur maison, ils connaissent un peu leur tondeuse à gazon, ils connaissent un peu la mécanique, les moteurs, les choses comme ça. Ils ne connaissent pas le corps physique du tout. Puis la meilleure machine, le meilleur instrument, c'est le corps physique. Les gens doivent commencer à s'instruire un peu pour connaître, c'est bon, l'aliment, qu'est-ce qu'on doit manger. Pas pour commencer à chialer. Ah, mais là, quand tu commences à regarder ce qu'il y a des aliments, on n'en mange plus rien. Mais déjà, le jeûne est bon. La meilleure façon de maigrir, c'est à peu près d'apprendre qu'est-ce qu'on mange. Faut apprendre, parce qu'après ça, quand on apprend, mais si c'est de l'éducation, vous allez dire, ben je peux pas manger, il y a du sucre. Ça, c'est de l'éducation. Si c'est de l'instruction, vous allez dire, bon, il y a du sucre là-dedans, là, puis j'ai rien d'autre, pour l'instant, je vais manger ça. On demande. Et après ça, à un moment donné, on cherche ailleurs. Puis on fait pas le tour du monde. Moi, je connais des personnes, moi, qui restent à Saint-Jérôme, là, puis qui descendent dans la suite de Montréal pour aller chercher 3-4 radis biologiques, là, tout dans le genre. Là, c'est juste le stress de te demander si tu es capable de trouver ta bouffe pour pas mettre ta santé, tu te détruis la santé. C'est très écologique, tu dépenses 25$ d'essence, tu pollues l'atmosphère, c'est moins radis que vous. C'est ça. Alors, quand une personne est instruite d'une mécanique, elle comprend les choses. Alors, l'être humain qui fait partie l'être humain qui s'instruit doit être capable de se discipliner. On a les hétérodisciplinaires. La majorité en auront besoin pour être traversés dans la race nouvelle, pour devenir des autodisciplinaires. Un autodisciplinaire, c'est vous-même qui vous battez les fesses, qui vous avez l'énergie nécessaire du point de vue du mental pour être capable de prendre le corps physique et de le bouger. Ça veut dire qu'une fois par semaine, minimum, on doit se payer un luxe, aller quelque part où il y a des arbres. Pas dans le parc du coin, là. Quelque part en campagne, en forêt. Ah, mais j'ai pas le temps. Votre vie sert à quoi? Sinon, à faire des choses qui nous sont agréables et qui sont bonnes au minimum pour le corps physique. On n'a jamais le temps parce que la vie sert à quoi? Alors, la personne qui est capable de s'instruire, elle s'en va, elle prend un livre quelque part, elle s'en va lire quelque part en forêt. On a le parc d'Oka pas loin. Il y a plein de choses à ramasser là-dedans. D'ailleurs, on peut même ramasser des vestiges... Des camettes de bière, c'est pas vrai. Des douilles de fusils. Mais on a des parcs pas loin. On a la capacité. Les Laurentides sont à côté de la porte. Ça coûte cher, ça coûte pas cher. La porte du Nord. Exactement, oui. Ça coûte la porte du Nord. La personne doit s'arranger pour faire minimum une fois ou deux par semaine un peu de conditionnement physique. Ah ben oui, moi je ben trop gros. Ben justement, c'est ce qu'il a besoin. Ah ben moi je ben trop faible. Justement, c'est toi qui en a besoin. Mais les personnes, moi je suis même trop âgé. Justement, c'est toi qui en a besoin. Le petit de 12 ans qui arrive en sautant pour dire, moi j'ai-tu besoin? Oui, là, fous-moi la paix. Ben oui, il sort dehors. Elle s'occupe. Mais à un moment donné, les personnes, oui, mais moi j'ai mal à ma cheville, puis tu prends un livre de physiologie musculaire, tu regardes un peu les muscles là-dedans, puis tu trouves des moyens de commencer à faire travailler ça. C'est tellement banal. T'écoutes ta télévision, ta chaise berceuse, là. Ah, ben, tu te mets des poids, tu achètes des petits poids chez Canadian Tower, là. Ça coûte, je sais pas combien ça coûte, ça peut être 5 000 chaque. Numéro 2, c'est ça. Mais quand tu berces, ça tire des jambes, tu reviens, pas grand-chose. Ouais, mais c'est achalant. Ce qui est achalant, c'est ton corps physique. Mais on le camoufle, on s'en rend plus compte. Et les personnes, ben oui, mais moi, tu sais, la femme, ben moi, je fais du jogging, tu sais, avec les 5G, je peux pas faire du jogging. T'sais. En voulez-vous des raisons? On va vous en trouver des raisons. Mal aux pieds, mal aux dents, mal aux oreilles, j'ai pas le temps, c'est la meilleure chose. Je suis pas assez en forme, faites du sport, oui, oh non, baignez-vous. C'est les raisons que les gens donnent. Puis par la suite, quand ils ont fait une crise de cœur, ils commencent à faire du sport. Ils semblent pas être capables bien plus avant qu'après. Un bonhomme que j'ai rencontré qui disait, je suis bien trop chaud pour aller à pied, je vais prendre mon auto. Oui, exactement. Ah. Ça serait le même raisonnement. L'être nouveau, bon, les personnes doivent s'instruire et on parle de corps physique, etc. Nous, nous m'amenons deux fois par semaine. C'est mieux tous les jours, justement. Les personnes, bon, l'être nouveau, c'est un être, de prime abord, l'être nouveau, c'est un être qui nécessairement va comprendre la mécanique des choses. La race nouvelle, elle est déjà là. Sauf que les personnes ne s'autorisent pas à la vie. On est dans les années, on est en quelle année, là? 91. OK. Dans les années 93, on va avoir... Bon, prenez une photo de vous autres, là, de vous-même. Là. Une photo énergétique. Pas une affaire d'aura, là, qui connaît des fils électriques, vous arrangez ça. Mais... Tu vas pogner un choc plus ou moins fort, ça va des couleurs différentes. C'est intéressant, là, parce que vous pogner un lecteur de cassette, c'est une cassette dedans. C'est pas une cassette de Benelkem, une cassette vierge. Pas effacer ce que vous dites. Là, vous allez simplement, en parlant, essayez que ça, vous allez vous amuser. Là, vous allez expliquer à votre micro comment tata vous vous trouvez en parlant à votre micro. Expliquez-y. Okay? Comment il fait et comment il pèse vous vous trouvez à penser à telle chose. Expliquez-y tout ça. Dans un an, écoutez-la. Là, vous allez dire, hey, j'ai changé un mot. Mais si on ne le fait pas, dans un an, vous allez dire, oui, mais moi, je n'ai pas. Faites ça. Venant là, prenez un lecteur de cassette, puis philosophisez sur la vie. Comment vous trouvez toute l'affaire au complet? Pas une affaire d'une heure et demie, là. Juste comment vous vous trouvez, vous. Bon, combien j'ai de chances de devenir un être nouveau? Oh, 100% des chances. Mais quand vous allez écouter ça dans un air, 100% des chances, « Tiens, attends, nous, j'avais de l'égo, je ne sais pas là. » C'est pas pour ce que j'ai dit, c'est la façon dont hein, ça s'est donné. Je comprends comment ça se fait que ma belle-mère est à chaleur. La personne, elle enregistre simplement. Là, juste essayer, vous allez voir. C'est vrai qu'au niveau physique, si on fait des poids haltères, dans 6 mois, tu peux voir un changement. Si tu fais du sport, tu peux voir un changement. Mais au niveau psychologique, si on n'a pas de... Il y a des personnes qui font chaud. Il fait chaud. Les personnes sont là, ouais, il fait chaud, hein, maudit. Ouais, il fait chaud, hein, maudit. C'est quoi le problème quand il fait chaud? C'est qu'on a chaud et qu'on transpire. C'est juste ça. Pour la majorité des corps physiques, c'est juste ça. L'éducation fait que tu es sale quand tu transpires. L'éducation fait, mais j'aime pas ça, on me sentait de même, puis on ne bouge plus, pas fait pour rien. Si le feu prend, qu'est-ce que vous allez faire? Ça fait combien de chaud, ça doit bouger, hein? Mais non, il fait chaud, à un moment donné, il faut que tu te raisonnes. Il dit, bon, il fait chaud, puis je suis mouillé, puis je transpire. Bon, ben, transpirons, tant qu'à y être. Tu coupes ton gazon quand même. Tu prends un sauna, pas du bien. Eh oui, tu bois, tu prends une douche, tu prends deux douches, trois douches dans la journée. Bon, c'est prêt. Mais le problème, il n'a pas de problème réel. Mais les gens s'en créent un ici. Ben, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. L'hiver, il fait frais, il fait frais, il fait frais, il fait frais. Tu t'habilles un peu, tu sors dehors. Grouille un peu, là, tu vas réchauffer. Il était, tu es prêt à transpirer, tu es prêt à sentir mauvais. Bon, ben, sent mauvais. Si tout le monde sent mauvais, on sentira plus vite. Il n'y aura pas de problème. Hein? C'est à cause de ceux qui font rien qu'on sent mauvais. C'est ça. Par comparaison, tout le temps. Tu rentres dans la maison, lui. Femme devrait se mettre, lui. L'être nouveau, donc la race nouvelle, elle est totalement là présentement. Les enfants sont la plus grande évidence. Les adultes, énormément, puis l'humain est totalement mutable, c'est-à-dire que l'humain, à travers sa vie, se change. Et pour se changer, l'humain, il se change, je ne veux pas. Vous avez tous changé. Mais il y en a encore plusieurs parmi vous qui n'êtes pas capables d'accepter vos changements. Qui refusent. Je connais des personnes, moi, qui sont de moins en moins culpabilisables. Mais ils se culpabilisent de ne pas être culpabilisables. Ils n'acceptent pas leur changement. À un moment donné, ils deviennent mal pris parce qu'ils se disent, bon, peut-être que je devrais y aller. Tu sais, j'ai dit oui, puis je sais que je me suis fourré. Puis finalement, ah ben non, toi, vous l'appelez, dis non. Puis après ça, oh, mais là, j'aurais peut-être pas dû dire non. Puis là, il me semble que, torieux! Il faut que la personne finisse par changer, ça, elle fait partie d'une race. Mais évidemment, quand on vient au monde, on est laid, on est humain, on pissait un peu, puis on est couvert de ah, bon, on respire plus ou moins. Fait que, là, celui qui naît dans la nouvelle race, il n'a pas l'air bien ben beau. Mon ego cherche une raison de s'expliquer pour faire sa vie du Québec. Est-ce que le fait qu'on soit de l'Europe ou de l'Angleterre ou de l'Écosse, à un moment donné, on n'était pas. Nos ancêtres premiers sont arrivés au Québec, c'était pas des diplômés de Harvard. Mais non, parce au contraire, c'est ça, il avait volé les bibliothèques là-bas. Mais est-ce que le fait qu'on arrive ici de plus ou moins bagnard, est-ce que ça fait en sorte qu'on a dû être plus débrouillard, on a dû s'instruire et non pas s'éduquer? Je comprends une chose. On s'est ramassé. Seul, oui, bon, le Québec, évidemment, ça a été la prison de la France, entre autres, une grande partie du temps. Sauf qu'à l'époque, on expatriait et on excommuniait énormément d'individus qui étaient simplement marginaux, pas normaux. Pour leur point de vue. C'est ça. Alors, c'était des criminels, il faut s'entendre. On avait des criminels, évidemment, des criminels de fait, c'est-à-dire des individus qui faisaient du braconnage. Parce que Galilée en était un. Évidemment. Alors, ceux qui faisaient du braconnage sur les terres de la couronne, par exemple, parce qu'il n'y a pas assez de nourriture pour manger, la couronne en avait pas mal trop, ça, c'est des criminels. On en a tué plusieurs, puis on en a évidemment qui étaient expatriés. Bon, et donc, il y a une panoplie d'individus qui étaient suffisamment avancés par rapport à l'époque pour commettre des délits qui sont des délits humains, qui sont des bienfaits au niveau cosmique. Quand quand les ignorants dirigent tout, ben c'est évident qu'ils fassent quelque chose. Alors, c'est évident que c'est illégal. Parce que moi, si j'ai volé tout le monde au complet, là, ben, je vais mettre des lois disant que j'ai pas le droit de venir chez nous. Si tu viens chez nous, ben là, t'es un criminel. Selon la loi, t'es un criminel. La loi dit que t'as pas le droit de venir chez moi. Donc, t'es condamné. Moi, je suis correct, c'est la loi. Fait que les ancêtres ne sont pas nécessairement des meurtriers, mais des criminels du fait que la loi n'accepterait pas les oui, il y a un paquet d'autres phénomènes, mais le Québec, simplement, c'est que le Québec lui-même, c'est une terre privilégiée au niveau de l'énergie. C'est la terre qui a vu naître toutes les nouvelles races. C'est l'île Blanche, c'est l'Éden de certaines religions, c'est le bon Mirou de d'autres, c'est Adolf Hitler voulait conquérir le Québec, il appelait l'Hyperborée. C'est la région énergétique où il y a des fins de cycle, où les individus se réincarnent simplement, les individus qui font partie des races nouvelles, ou encore les individus vont simplement venir génétiquement, à travers l'histoire, donc à travers le temps, ou encore présentement, ils se pointent au Québec. Le Québec, évidemment, le Québec ésotérique, c'est le bouclier canadien, donc c'est une petite partie de l'Ontario, et c'est une grande partie des territoires du Nord-Ouest, c'est le Québec en général, au-delà des plaines du Saint-Laurent. Le Québec, pourquoi il n'y a pas 150 raisons? C'est parce qu'il faut une place dans la planète où ça va naître. Donc, il y a une place dans le Québec où ça va, sur la planète où ça va naître. C'est le Québec. Et c'est là que c'est pourquoi que ça vit au monde ici. La majorité des personnes font partie de la nouvelle race. La majorité des individus du Québec font partie des bases de la nouvelle race. Le seul phénomène qu'il y a, c'est que les individus restent encore extrêmement assujettis à leur tradition, à leur éducation. Qu'est-ce qui vous dit le plus, c'est votre éducation. Puis là, on n'a pas à blâmer nos parents, etc. Ça n'a rien à voir. Eux autres, ils ont été éduqués, nous éduqués. Puis nous, on a éduqué nos enfants. Bon. Mais qu'est-ce qui nuit le plus à l'humain ancien pour traverser dans l'autre race, c'est son éducation. Si je te demanderais quels sont tes plus grands blocages pour faire partie de la race nouvelle, et si on commence à en parler, on va voir que c'est uniquement des stéréotypes éducationnels. Ça va être, par exemple, le fait de vouloir paraître une bonne personne, de l'éducation. On t'a culpabilisé quand tu n'étais pas dans le standard, on t'a récompensé quand tu étais dans le standard. Vous êtes mal pris avec vos corps physiques, pas capable de les respecter, pas capable, par exemple, d'accepter leur nudité, de l'éducation aussi. Mais juste le fait de ne pas être capable, par exemple, d'accepter sa nudité, en désinhibition, pas en libération, en désinhibition, c'est que tu n'es pas capable d'accepter rien de ce que tu es toi. Mais de base, dans l'éducation, on instruit l'homme, la femme et l'enfant qu'il est totalement laid. Hein? C'est un pécheur de naissance à cause de grand moment Ève et grand papa Adam. Et puis, c'est un être, etc., etc. Le corps physique, nécessairement, ce qui donne la vie, ben, il n'y a rien de plus sale. C'est bien évident. C'est vicieux. Non, c'est mais en plus que ça. Et assez que les faits, ça dérange moins que le devant. On a à comprendre le principe, là. Qu'est-ce qui sort par en arrière? Tant, c'est, hein? Bon, c'est quoi? Mais les fesses, on vous les fait, pas de problème. Mais le devant, là, c'est une grosse affaire. Le devant des femmes, ça dérange moins. Devant les hommes, ça a l'air plus. Et c'est pour ça qu'il y a c'est pourquoi les nains ne sont pas acceptés dans les cas de visite. Parce qu'ils ont trop le nez des affaires des autres. Mais, on continue avec l'éducation. Refuser, par exemple, de croire à Dieu. Est-ce que ça, c'est de l'éducation? Ben oui, c'est de l'éducation. Oh, je manipule par l'éducation. C'est de l'éducation dans le sens inverse de ce qu'on a été éduqué à. Oh, mais on parle d'éducation, là, ouais. Encore une fois. Bon, non, la personne ne peut pas refuser, elle ne peut pas, elle peut pas ne plus croire. Elle est éduquée, ça ne sent pas bon. Simplement décider d'accepter que vous êtes autre chose qu'un corps de chair et que vous avez des capacités chez vous. Mais déjà là, l'éducation vient bien d'en empêcher. Les parents s'en sont chargés. Les professeurs, les enseignants et enseignantes ont été mandatés pour vous empêcher de vous prendre pour quelqu'un d'autre. Moi, je dis ça à mon professeur. Je ne me prends pas pour quelqu'un d'autre. Je suis quelqu'un d'autre. Là, j'avais des devoirs pour deux. En double. T'en feras une copie, tu feras faire l'autre à ton chum. Ah oui. Et pourquoi prenez-vous pas pour quelqu'un d'autre? Bon, l'éducation, c'est le plus grand frein à l'avènement d'une race nouvelle. D'ailleurs, l'éducation a été le plus grand frein à l'avènement de quoi que ce soit sur la planète. De quoi que ce soit. La race nouvelle, elle est déjà là. La race nouvelle fait partie de la génétique des individus. C'est pas une grosse amanchure. La race nouvelle, c'est pas que subitement tu m'as volé d'un verre ou pas à travers les murs. C'est pas ça la race nouvelle. Mais est-ce que ça peut venir, ça, dans ça la fin venir. De la race nouvelle? Oui, ça va venir. Sauf que oui, c'est évident. Sauf que juste le fait, bon, à la deuxième partie, je pourrais expliquer un peu plus à quoi ressemble l'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau. Mais déjà là encore, juste parler de certaines choses, pour plusieurs personnes, ça fait partie déjà de l'impossible. Alors que si reculer 100 ans, 100 années en arrière. Et regardez la salle ici. De l'électricité. Expliquez-leur ça, que de l'eau va passer dans des fils, ça va allumer des lumières, ça va chauffer, ça va permettre de communiquer le son, ça va, on va faire cuire nos aliments avec ça, on va écouter de la musique avec ça, on va pouvoir respirer la poussière avec un amant chaud. On va regarder un film en couleur. Oui, mais c'est toujours le même liquide qu'on appelle l'électricité. Pensez juste à voir le plastique. V'là 100 années, regardez vos fauteuils, la majorité du dessus de votre linge, ce que vous portez comme verre, comme lunettes, vos montres, regardez vos montres, regardez votre maison, v'là 100 ans, puis allez leur compter ça. Juste leur expliquer les nouveautés, vous aurez passé de votre vie. c'est totalement du domaine de l'impossible. Vous allez vous faire brûler, ça ne sera pas en plastique. Du domaine de l'impossible. Il faut faire bien attention. Puis à l'époque, on va tout vous refuser. Parce que c'est des gens qui ont été bien éduqués. L'éducation de Bourbonnais. L'instruction plus affilée. En attendant, on s'instruit à prendre une pause. On revient tantôt avec la période de questions.